Je me sens devenir sensuel. Quand je la vois s'avançant sur d'elle, mes yeux se font caressants sur elle. Oh oui, elle me met sans dessous de sur elle. Elle est trop belle. On devrait mettre la censure sur elle. Oh, elle est trop belle. Je me sens 100% sensuelle. Dès que je pose la main sur elle, je ne veux pas d'autre manuelle. Oh non, pour mon éducation sexuelle, elle est trop belle. On devrait mettre la censure sur elle. Vaut mieux changer de disque, car je le sais, je risque qu'on me juge licencieux et même libidine. Et je vais passer pour un mec qui ne pense qu'à ça. Mais comme le jazz provoque la danse, elle provoque l'indécence. Devant ces lignes de statue, craque toutes les ligues de vertu. Et de plus en plus, je me sens devenir sensuelle. Quand je la vois s'avançant sur elle, mes yeux se font caressants sur elle. Oh oui, elle me met sans dessous dessus elle. Elle est trop belle. On devrait mettre la censure sur elle. Je me sens sans sur elle. Elle est trop belle. On devrait mettre la censure.